27-0 poteau. RGT. Les chalons. Très bloc. Carus. 93. Génération, en génération, on veut pas faire d'argent avec modération. Que des missions du genre, viscère des bolos à nation. Toute ma vie, je coupe, je coupe, je suis décalé du système. Beaucoup de malentendus, mon coup, beaucoup de passons lancés. Tu m'as bien entendu, donc je veux faire de la seuille. Mélange pur ou comprimé, c'était un des miens, je me comprends. T'étais un bolos, prends ta commande. SDVDRS, SDVDRS. Stockage des stockages, vide rupe sauvage. Soit y'a pas choix, c'est sauvette à la sauvage. Les meurs sont là, les meurs sont là. Produit par là, produit par là. Bitches aussi, c'est par là. À l'hôtel ou la trap. Aucun transfert émotionnel. Jamais. Très mauvais pour la santé. Bitch, entre les jambes, j'ai ce mic. Je le sors et fais-moi plaisir, mes doigts chanter. Voiture volée, voiture volée. Vacha, volée, vacha. Yankee, interpolé. Pointeur devra changer. On mène une vie de savage. C'est trop, nous fait tenter. Tu touches un mec savage. Un mec savage viendra canter. Viendra. Ces négros parlent mais c'est des putes. C'est faux négro, c'est faux négro. Faire croire des trucs c'est ça leur but, hein. Les jazz, les glock, les meurtres. Mais qu'elle a vraie répute. On est toujours dans les stupes. T'es toujours dans les stupes. On fume le blunt d'après les ennemis. Yo, je veux voir sortir ces mecs la couleur du rubis. C'est le shit, c'est en or. La peau est dans sa fire. Et les diamants sont plus blancs que la cocaïne. Sans charbonne sur le rat et c'est pas pour l'image ou la gloire. Pour l'image ou la gloire. Ici c'est la loi, lève la main droite, le devoir d'un youvoir. Le devoir d'un youvoir. Du goudron de la nicotine entre les lèvres pendant le convoi. Pendant le convoi. Croche, croche, bord de cam, en ma pommade sous une cagoule en soie. Sous une cagoule en soie. Dans la car à bois. Les négros s'échappent. Les négros s'échappent. Ici c'est la base, sort de la drogue on échappe. De la drogue on échappe. Vous valez rien, personne de voyous de merde. MC pisse le sang dans les toilettes des dames. Kalash est chargé, je tire, je ne parle plus comme un marine. Ma bitch prend du plaisir par le cul et par les narines. Embrasse ma course, embrasse mes pieds. Ramasse ta dose, arrête de supplier. 93, tu sais où j'habite. Préfère mourir plutôt qu'un mec me touche la bite. La vie n'est pas un tournoi. Personne ne choisit le jour de sa mort. J'suis hardcore mais j'suis courtois. Si tu veux mon gars peut le faire pour toi. Cubanix sur les trapèzes. J'suis dans le Benz, Benz, Benz. J'pèse comme la Brinks. Canon au fond du larynx. Bang, bang, bang. J'fais du gros son pour les miens. Si j'perds à la longue, j'préfère avoir du sang sur les mains plutôt qu'avoir du sperme sur la langue. Hein, hein. RGT les chalons. Ne fassez pas mon talon tube. Toujours Brato. The Savage. Big Mitch. The Savage. Savage. The Savage. The Savage.